ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرحبا بكم. Toujours dans أحكام الصيام، nous sommes le 27 شعبان بإذن الله عز وجل 1428، c'est-à-dire le 9 septembre 2007. On va comme d'habitude commencer inshallah ta'ala par quelques questions sur inshallah ta'ala le siyam, et ensuite inshallah ta'ala on rentrera dans le nouveau dars sans que je ne tarde aujourd'hui, car j'ai découvert que ce que j'avais hier c'était à cause de quoi? À cause du micro, à force de rester en face de lui yani des heures et des heures, ça donne vraiment mal à la tête. Taïb, on va commencer inshallah ta'ala par quelques questions bi'idnillah ta'ala facile, Taïb, une seconde inshallah ta'ala. Quand Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a donné yani comme dalil, ou plutôt quels sont les dalils, au moins un dalil cité, au moins un dalil que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a cité pour dire que si l'homme approche sa femme pendant le Ramadan, que elle aussi elle doit faire la kafara de 2 mois consécutifs. Est-ce que vous pouvez donner un des dalils qui montre que yani que vous avez, ou là, vous souvenez de ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Taïb, Ibrahim 78-900, il a descendu l'âme. Taïb, je répète la question. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, est de l'avis de ceux qui disent que si l'homme approche sa femme pendant le Ramadan, c'est les deux qui doivent faire la kafara. Makan, tafazzal. C'est pour le fait que l'on doit s'éloigner des désirs pendant le jeûne. Taïb, il y a autre chose, Inch'Allah. Il y a autre chose. Hissan ilahi dahir, tafadzal. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. تفضل إحسان كم سيكتب إن شاء الله طيب peut-être que إحسان a des difficultés On va passer. Taïeb, ma question par vos chers. Comment défendre le shirk face aux gens qui le rendent mécréant, que savent-toi, sur la personne qui insulte Allah, rahimahullah. Ihsan ilahi zahir. Chauffe, tu n'as pas compris, yani, qu'est-ce qu'il y a dans la salle. Regarde, maintenant, moi je suis en train de poser des questions à ceux qui ont assisté au doros passé pour voir s'ils ont compris ou pas. Maintenant, inshallah ta'ala, si tu as une question, inshallah ta'ala, laisse-la tout à l'heure, naam, tout à l'heure, inshallah, à la fin du dars. Tout à l'heure, inshallah ta'ala, à la fin du dars, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Donc, inshallah ta'ala, je te répondrai, inshallah, et c'est une question très importante, n'oublie pas de la poser. C'est une question, inshallah, très importante. Tayyib. Je repose la question. Quels sont les délits? Tayyib, Ou Mohamed. Tafazali. À cause, alaykoum salam, je dirais que si la femme doit faire une expiation, c'est dû à son consentement. Wallahu a'lam. Naam, c'est dû à son consentement. Attends, c'est presque ça. Mais attends, on va voir autre chose, un autre détail. Kenza, tafadlali. Ah, ahsanti. Naam, c'est ça ce que je voulais. Car elle a eu la même chose ce qu'a eu l'homme. Elle a eu la même chose ce qu'a eu l'homme. Alors pourquoi elle n'aura pas la kafara comme l'homme? Non. Surtout si c'est elle qui a été le sabab. Taïb. Deuxième question. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, a dit que si quelqu'un, par exemple, en jouant avec sa femme, est arrivé à éjaculer, il a dit qu'il devait refaire le jour. C'est-à-dire sans avoir fait le rapport. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit que il ne devait pas faire. Quel est le délil de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah? Zainab du 57, tafadlali. أحسنتي أحسن الله إليك الحديث قدسي نعم يدعو طعامه وشهوته من أجلي وفي رواية من جرائي سبحان الله العظيم يدعو شهوته من أجلي et celui qui a fait sortir son liquide يعني sciemment celui-là il n'a pas délaissé ses passions نعم il n'a pas délaissé ses désirs نعم أحسن الله إليك طيب autre chose inshallah ta'ala. Quand quelqu'un a fait yani le rapport sciemment, bien sûr il a la kafara, vous connaissez tous la kafara. Maintenant s'il ne peut ni affranchir un esclave, ni jeûner 2 mois consécutivement, ni nourrir 60 pauvres, qu'est-ce qu'il peut faire? Qui cause tafadlal. طيب كيكوس n'a pas compris. طيب ام اسماعيل 401 تفضلي. Regarde كيكوس عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. Cheikh, je vais partir inchallah semaine prochaine. Je voudrais savoir ce qui est bénéfique de faire de réciter etc. durant mon voyage. Jazakallahu khairan. Kikos, on est en train de poser des questions. Je suis en train de poser des questions pour les élèves pour voir s'ils ont bien compris le cours qui a rapport avec le siyam. Après inchallah ta'ala, je vais faire un petit cours qui n'est pas long et te donne inshallah ta'ala l'occasion de reposer cette question inshallah ta'ala. Naam. Oum Ismaïl, tafadlali. Ma fi ay mushkila kikos. C'est toi qui me pardonnes, toi et l'autre ilahi zahir, vous me pardonnez de ne pas vous avoir répondu. Mais inshallah, c'est juste pour yani tartib. Naam. Tayyib, Oum Ismaïl, tafadlali. sinon on passe à Kenza. Naam. Sinon on passe à Kenza. Mais je ne sais pas si j'ai posé une question ou j'ai pas posé. Je ne sais pas, je me rappelle pas. Naam, rattraper un jour. Naam. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rattrape un jour et fais quoi? Estaghfirullah. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Ahsanti. Ahsan Allah ilayk. Naam. C'est très bien. Tayyib. Autre chose. Un homme qui a fait cette chose avec sa femme. Il doit, comme vous connaissez tous, yani, la kafara, vous connaissez la kafara, yani on commence par faire la kafara, sûrement que ce sera après le ramadan. Maintenant, il a fait, le deuxième jour, il a fait la même chose. Le deuxième jour, il a fait la même chose. Est-ce que celui-là, sa kafara sera 2 mois ou bien ça sera 4 mois? Naam. Et s'il ajoute aussi le troisième jour, est-ce que ça sera alors 6 mois ou là, tant que c'est pendant le ramadan, ça ne compte que 2 mois? Farah 677, tafadlan. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. 4 mois, inshallah. Jazakallahu khayran. Ahsan Allahu ilayk. Pour chaque jour, 2 mois. Naam. Pour chaque jour, 2 mois. Naam. Ahsan Allahu ilayk. Maintenant, quelqu'un qui a fait la même chose pendant le ramadan. Maintenant, le ramadan s'est terminé. Il est en train de quoi? Il est en train de rattraper. Il a commencé à rattraper. Ensuite, yani, il s'est rapproché de sa femme. Il s'est approché de sa femme. Est-ce que celui-là, il a une autre kafara ou là il n'a pas de kafara? Est-ce qu'il a une autre? C'est-à-dire, quand il termine ses 2 mois, il a une autre, 2 mois à cause de s'être rapproché ou bien a-t-il autre chose? Luqman, tafadhali, Luqman. Il reprend à zéro. Naam. Pourquoi? Parce que, et bien sûr, il a aussi des péchés, car il devait faire cela, yani sans s'arrêter. Il s'est arrêté. Naam. Il aura des péchés. Il aura des péchés. Naam. Mais, ce que je vous ai pas dit, c'est que, si par exemple, une femme, supposons que, d'ailleurs c'est une question, allez, je vais la poser comme question. Donc, Ahsan Allah, il est comme l'Urman. Maintenant, il y a, par exemple, sa femme, qui avait une kafara. Elle, lui, khlas, il a rattrapé. Maintenant, c'est elle qui est en train de rattraper. Ensuite, il s'est approché d'elle. Naam. Est-ce que, naam, pour s'être approché d'elle, alors qu'elle faisait les dettes de quoi? Les dettes d'une kafara du ramadan. Parce qu'il s'était approché d'elle pendant le mois de ramadan. Maintenant qu'elle était en train de rattraper, il s'est approché encore une fois d'elle. Est-ce que, en s'approchant d'elle, lui, est-ce qu'il a une kafara de 2 mois ou là il n'a pas? Parce qu'elle est en train de payer les dettes du ramadan. Est-ce qu'il a une kafara de 2 mois ou là il n'a pas? Tayyib, qui inshallah ta'ala peut? Tayyib, Luqman, tafadhali. Cela bien sûr, je ne l'ai pas dit. C'est-à-dire, même si vous vous trompez, naam, ça ne fait rien parce que vous ne connaissez pas la réponse. Taïb, on va commencer par Luqman. C'est quoi, inshallah ta'ala, ton avis? Non. C'est-à-dire, il ne refait pas les 2 mois. Naam, est-ce que tu peux nous dire juste un mot pourquoi? Pourquoi? C'est important. Pourquoi tu as choisi non? Celui qui va répondre, il dit non à cause de ceci ou bien oui à cause de cela. Car il n'était pas jeûneur. Tayyib, voilà sa réponse. Soulayman, as-tu autre chose? Moi, je dirais non, car il n'était pas jeune. Oui. Non, moi, je dirais non. Ah, Oum Souleymane dit, mais pourquoi il veut faire ça alors? Ça alors que sa femme jeûne. Donc, il insiste à désobéir. Naam. Il a dit, je peux plus me retenir. Naam. Il a dit, j'ai vu des femmes dans la rue, elles m'ont fait la fitna. Maintenant, alhamdoulilah que j'ai ma femme à la maison, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un est dans la rue, il voit une femme qui lui prie, qu'il revienne vers sa femme. Il a dit, je suis revenu vers toi. Comment je fais maintenant? Je suis dans la fitna. Et Allah, alors, peut-être, qui que si, c'est pas mal. Alors, peut-être, qui que si, il a un kuffara. Donc, Oum Souleymane a deux avis. Il n'a pas et il a. Il n'a pas et il a. D'ailleurs, on va voir Maryam. Maryam, t'as fait l'ali. Je pense pareil. Pareil à quoi? Pareil à quoi? Il y a beaucoup d'avis dans la salle ici. Pareil à quoi? Kafara ou pas kafara? Tu dis oui ou non, c'est tout. Oui, non. Oui, ça veut dire il a la kafara. Non, il n'a pas de kafara. Il n'est pas jeûneur, mais insiste à désobéir. Ça y est. Non. Reste un avis. Ça y est. Islam. Sa femme, il a la kafara. Naam. Oum Souleymane dit, moi je dis kafara. Taïb. Inch'Allah, vous allez entendre la réponse. Islam, tafaddal. Moi je dis oui, car il sait que sa femme est en train de réparer une faute qu'il avait commise avec elle pendant le ramadan. Ça veut dire, Islam a dit que oui, il a la kafara. Naam, on va voir, Inch'Allah. Tayyib, Wallahu A'lam, naam. Oum Sakina, tafadhali. Oui, parce que c'est une obligation pour sa femme de rattraper ses jours. Et de ce fait, il l'empêche d'acquitter sa dette. Et donc, pour ça, il a kafara. Naam. طيب ابو امل او امل اي بنتي 67 prépare toi طيب اسكو بري ابو امل il n'a pas de kafara. طيب بونتي 67 بونتي 67 ام زكريا réponds toi aussi. ابو حذيفه réponds. طيب ابو امل désobé uniquement. طيب j'attends les autres. Moi je dis que non, car sa femme a été forcée, donc elle n'est pas dans le cas de faire les 4 mois, et donc lui n'a pas de kafara. Abu Huzaifa, non, la femme ne doit pas faire le kafara, parce qu'elle a été obligée. On parle de l'homme, Abu Huzaifa, on parle de l'homme s'il doit faire la kafara. Naam, réponds-moi en ce qui concerne l'homme. Abu Huzaifa, j'attends ta réponse, l'homme, doit-il faire la kafara? Parce que il a fait cette chose, yani, alors que elle faisait les choses, elle rattrapait le Ramadan. Tayyib, il doit le faire. Inch'Allah Ta'ala, je vais vous donner la réponse et il reste Inch'Allah Ta'ala une dernière question. Tayyib, la vraie réponse, Inch'Allah Ta'ala, la vraie réponse, c'est que En ce qui concerne la femme, elle n'a pas la kafara, bien sûr, parce qu'elle a été forcée. Non, parce qu'elle a été forcée. Et si c'est elle qui avait voulu, elle aurait annulé sa kafara et recommence à zéro, ça c'est clair. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'homme. Ce qui nous intéresse, c'est l'homme. L'homme ici n'a pas la kafara, il n'a pas les 2 mois. Parce que pour avoir les 2 mois, il faut qu'il fasse ça pendant le ramadan et non pas pendant les dettes du ramadan. Non, car nous ne sommes plus pendant le ramadan. Elle est en train de faire les dettes du ramadan. Il y a une grande différence. Elle est à Sha'ban ou la Muharram ou je ne sais pas quoi, mais elle n'est pas pendant le ramadan. Il y a une grande différence. Non, mais bien sûr, il a des péchés. Il a des péchés pour avoir fait cette chose. Et là, j'attire l'attention de mes frères. Lorsque la femme, l'épouse, est en train de rattraper ses dettes, il lui est interdit de l'approcher. S'il l'approche, yani, il la force et il l'approche, nam, il aura des péchés. Parce que il n'a pas le droit de l'approcher quand elle est en train de payer ses dettes. Et aussi, j'attire l'attention maintenant des frères et des sœurs. C'est quoi? Quand une personne est en train de rattraper ses dettes, par exemple, la femme rattrape ses menstrues, et l'homme, par exemple, il rattrape un jour qu'il a mangé parce qu'il était malade. Nam. Certains croient que quoi? Ils disent, puisque je suis libre de le faire aujourd'hui ou là, demain ou là, et que j'ai commencé à manger aujourd'hui, alors je suis libre, alors à midi il décide de rompre, ou bien il décide d'approcher sa femme. Il dit c'est pas grave, j'ai tout le temps, j'ai une année devant moi. Et la réponse c'est quoi? La réponse, tu as tout ce temps devant toi, mais à condition de ne pas commencer à faire le jeûne. Maintenant, si tu as fait la niya la nuit et tu as commencé à faire le jeûne, classe, 1 minute, 2 minutes, tu peux plus ressortir. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuha alladhina amanu, la tubtilu amalakum. N'annulez pas vos actions. La tubtilu amalakum. N'annulez pas vos actions. Pourquoi je dis cela? Car beaucoup se trompent. Il dit, Alhamdulillah, moi je suis libre. Naam, tu es libre, mais attention, si tu commences, tu peux plus arrêter. Naam, si tu commences, tu ne peux pas arrêter en plein, yani au milieu de la journée ou là. Naam. Dernière question, inchallah, un peu difficile. Et il me semble même que moi, hier, je ne l'ai pas bien expliqué. Mais je vais voir s'il y a quelqu'un qui peut répondre. Je ne sais pas. Lorsque cet homme qui s'est approché de sa femme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, voilà ce que j'ai fait, etc. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que, donc tu dois affranchir un esclave. Il a dit, je ne peux pas. Il lui a dit, tu vas faire 2 mois consécutifs. Il a dit, je peux pas. Il lui a dit, alors, tu vas, yani, qu'est-ce qu'il a dit, attendez? Naam. Alors, un homme est venu avec un couffin plein de dattes. Il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, alors, tu vas, yani, disperser ce couffin de dattes, yani, parmi les pauvres. Il a dit, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yani, à quelqu'un de plus pauvre que moi. Ensuite, il a juré par Allah. Je jure par Allah que dans toute la ville, il n'y a pas plus pauvre que moi. Si quelqu'un pose la question, comment cette personne a-t-elle juré par Allah, subhanallah al-azim, alors a-t-elle été visiter toutes les maisons, elle a visité toutes les maisons, pour être convaincue vraiment que c'était elle la plus pauvre au point de jurer par Allah, comment qu'on peut répondre à cette personne? Tayyib. Je vous ai dit que quand il y a quelqu'un qui a posé déjà une question, on le laisse un peu et on donne la parole au nouveau. On commence par Oum Aïcha. Oum Aïcha, tafadla li. Non, il a juré par Allah car il juge qu'il est assez pauvre. Mais il n'a pas fait tout des maisons autre chose. Naam. Ahsan Allahu ilayk. Badreddin, tafadlal. As-tu autre chose? il a le droit de jouer quand sa pauvreté a atteint un tel point qu'il risque d'y avoir peur de personne de plus pauvre. Ahsan Allah, on arrête là parce que c'était la vraie vraie réponse. Naam, on arrête là parce que c'était la vraie vraie réponse. Quand quelqu'un, pour lui, dans son cœur, il est sûr par exemple d'une chose, ou bien convaincu d'une chose, et il jure. Ensuite, cette chose, même si il s'avère que ce n'était pas comme il a juré, alors il n'a pas de kafara. Naam, il n'a pas à nourrir 10 pauvres, ni à jeûner 3 jours. Je vous donne un exemple, là. Je suis avec une personne, et on voit une personne de loin, là-bas, très loin, à 100 mètres. Je dis à la personne qui est avec moi, je lui dis, regarde là-bas, c'est Omar. Ensuite, l'autre personne qui est avec moi nous dit, non, c'est pas Omar, c'est maintenant Mohamed. Je lui dis, je jure par Allah que c'est Omar. Il me dit, tu jures? Je lui dis, je jure par Allah que c'est Omar. Ensuite, on va aller vers lui, et voilà que quand on arrive, ce n'est pas Omar. Je dis, subhanallah, comme il lui ressemblait. Là, je n'ai pas de kafara. Pourquoi je n'ai pas de kafara? Parce que moi, quand j'ai juré, dans mon cœur, je croyais que vraiment c'était Omar. Je n'ai pas menti. Naam. J'ai juré d'après quoi? D'après ma conviction. J'ai juré d'après ma conviction. Je donne un autre exemple. Je dis par exemple à quelqu'un, par exemple à mon fils ou là, je lui dis, par exemple, va me ramener mon portable, il est dans le salon. Naam. Il va dans le salon, il revient, il me dit, il n'est pas là. Je lui dis, je jure par Allah qu'il est dans le salon. Naam. Ensuite, on va dans le salon, on ne le trouve pas. Naam. Je n'ai pas de kafara. Pourquoi? J'ai juré car dans mon cœur, je croyais qu'il était dans le salon. Et ensuite, il y a quelqu'un qui l'a fait sortir du salon, le petit-fils, ou bien, moi je l'ai fait sortir et j'ai oublié. Naam. Donc quand quelqu'un, c'est une règle à bien apprendre, quand quelqu'un jure par une chose dont il est convaincu, ensuite il s'avère que c'est le contraire de cette chose, il n'a pas de kafara. Naam. On vous posera beaucoup cette question. Beaucoup de gens te diront, j'ai juré par Allah, ensuite par Allah, quand j'ai vu la chose, j'ai trouvé, c'était pas comme j'ai juré. On lui dit, naam, mais toi quand tu as juré parce que tu croyais qu'elle était comme ça. Il va dire oui. On lui dit, Inch'Allah, tu n'as pas de kafara, rassure-toi, Inch'Allah ta'ala. On commence, Inch'Allah ta'ala, le nouveau dars, Inch'Allah ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam, ala ashraf al-mursalin. Tayyib. Quelqu'un qui a mangé le ramadan, quelqu'un qui a mangé pendant le ramadan, naam. Tayyib, je vais voir d'abord que veut Oum Zakaria. Tafadlali. Oum Zakaria, je t'ai enlevé le raid. C'est quoi, Inch'Allah ta'ala? Tayyib. Peut-être que c'est une erreur. Hein? Tayyib. Quand quelqu'un, qu'est-ce que je disais? Naam. Mange pendant le ramadan avec une excuse. Naam. Il avait une excuse quand il a mangé. Celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rattraper après. Naam. Il va rattraper après, bi'idna subhanahu wa ta'ala, hein, parce qu'il avait une excuse, par exemple, ce jour-là, il était malade. Mais, quand quelqu'un mange sans excuse, naam, celui-là, il ne peut pas rattraper. C'est ça la règle. Mais quand quelqu'un mange sans excuse, celui-là, il ne peut pas rattraper. Donc, pour rattraper, celui qui a été excusé. Naam, il a mangé parce qu'il était malade, parce ceci, parce cela. Sinon, s'il le fait exprès comme ça, on a montré qu'il n'était pas, qu'il pouvait pas, même s'il voulait rattraper, chez Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas accepté. Naam, c'est à peu près comme la salate. Celui qui fait pas la salate jusqu'à ce que son moment sorte, ensuite il va dire, je vais rattraper. Celui-là, on lui dit, tu es en train de jouer toi. Tu fais la prière quand tu veux, et tu la laisses quand tu veux. Et, ce n'est pas comme ça. Naam, ce n'est pas toi qui choisis. Ce n'est pas toi qui choisis, mais Allah subhanahu wa ta'ala a, c'est lui qui a dit qu'on devait la faire de tel moment à tel moment. Tayyib. Maintenant, autre chose, une seconde, je cherchais Qassis Salafi pour voir s'il a acheté le micro. Tayyib. Je le vois en bas. Astaghfirullah, tu voulais. Tayyib. Mata yaqdi ou mata yuqda qada ou ramadan. Quand est-ce qu'on rattrape les jours qu'on a mangé pendant le ramadan? Comme la femme, hein, qui a ses menstrues, par exemple, ou bien l'homme, par exemple, qui n'a pas pu faire le jeûne, il a mangé, hein, quand est-ce qu'ils vont rattraper? Et premièrement, avant cela, est-ce qu'ils doivent rattraper le ramadan? Yani, les jours doivent être suivis, ou bien ils rattrapent comme ils veulent. Est-ce que, s'ils commencent à rattraper, par exemple, demain, il va rattraper premier jour, deuxième jour, troisième jour, qui se suivent les jours, ou bien il choisit comme il veut. Il rattrape un jour demain, la semaine prochaine un autre jour, et comme ça. La réponse, qala Ibn Kathir, rahimahullah, هل يجب متتابعا أو يجوز فيه التفريق في قولان. Est-ce que on doit les faire suivis? Je sais pas si on dit suivi, hein. On doit les faire suivis. Ou bien, il est permis de les séparer? Il y a deux avis. Premier avis, أنه يجب تتابع. Il faut faire suivre les jours. Deuxième avis, ce n'est pas obligatoire de les faire suivre. Mais, s'il veut, il les fait suivre. Ensuite, il a dit, وهو قول جمهور السلف والخلف. Il a dit, et c'est l'avis de la plupart des salafs et des khalafs, ceux qui sont venus après les salafs. Naam. Et bien sûr, inshallah ta'ala, cet avis est le plus juste. Cet avis est le plus juste. Quels sont les délits? Tayyib. An Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, on lui a posé la question. Il a dit, la ba'sa an yufarriq. Il a dit, s'il n'y a pas de problème, la ba'sa, ma fi mushkila. Si, yani, il sépare des jours. Naam. Parce que Allah Ta'ala, quel est le délil? Allah Ta'ala dit dans le Coran, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Naam, il a dit, alors, d'autres c'est désolé, c'est à cause de la déconnexion. Je disais que Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a dit que il pouvait les séparer, se basant sur le verset qui dit fa'iddatun min ayyamin ukhra. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que celui qui mange et qui a des excuses, il a dit alors qu'il fasse d'autres jours. Et il n'a pas dit d'autres jours qui se suivent. Naam. Comme dans la kafara, qu'est-ce qu'il a dit? Fasiyamu shahrayni mutatabi'ayn. Quand quelqu'un approche sa femme, qu'a dit Allah Ta'ala, qu'il jeûne deux mois mutatabi'ayn, qui se suivent. Pourquoi? Dans l'autre verset, il a dit qui se suivent. Et ici, pour celui qui est excusé, il n'a pas dit qui se suivent. Donc c'est un dédit qu'on peut ne pas faire suivre les jours des dettes. Naam. Si on était excusé. Mais, bien sûr, le hadith de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit aussi, Som kayfa shi't. Yani, fais le jeûne comme tu veux. Yani, tu es libre. Comme tu veux. Naam. Akhrajahu al-Bayhaqi wa fil Irwa. Il se trouve dans Irwa al-Ghalil, tome 4, 95. Et aussi, Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Qala, yuwatirhu insha'a. Il a dit, yuwatirhu insha'a, c'est-à-dire il n'est pas obligé de le faire suivre. Il peut faire aujourd'hui jeûner, demain manger, jeûner demain, manger après demain, et comme ça. Naam. C'est un hadith qui se trouve dans Irwa al-Ghalil aussi, tome 4, page 95, isnadu sahih. Qala shaykhuna al-Albani rahimahullah, wa khulasatul qawli أنه لا يصح في التفريق ولا في المتابعة حديث مرفوع، والأقرب جواز الأمرين كما في قول أبي هريرة. شيخ الألباني ريزومي رادي نعم il n'y a aucun dalil du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le fait que lorsqu'on rattrape les dettes que on peut les faire suivre ou bien on peut les séparer. Il a dit chaque personne est libre, comme a dit Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Ensuite le cheikh rahimahullah a dit aussi lorsque Sayyid Sabiq rahimahullah dans Fiqh Sunnah, qu'a dit Cheikh Sayyid Sabiq, il a dit qada'u ramadan la yajibu ala al-fawri bal yajibu wujuban muwassa'an fi ayyi waqt wa kadhalika al-kaffara. Regardez ce qu'a dit Sayyid Sabiq, il a dit le fait de rattraper le ramadan n'est pas obligatoire yani dès maintenant, c'est-à-dire n'est pas obligatoire de le faire juste yani par exemple après le ramadan, mais il peut le repousser un peu, un mois, deux mois. Naam. Comme ça qu'a dit Sayyid Sabiq Rahmo. Tayyib, il a dit la même chose, il kaffara. Il a dit la même chose, quand quelqu'un a une kaffara de deux mois, il n'est pas obligé de commencer juste après le ramadan. Mais il peut laisser ça, un, deux mois, trois mois, il commence. Tayyib, alors Cheikh Al-Albani Rahimahullah va lui rendre. Il a dit, Qultu, j'ai dit, c'est-à-dire Al-Albani, هذا يتنافى مع قوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم. Il a dit ce que vient de dire Sayyid Sabiq va en contradiction avec le verset du Seigneur. Que dit le verset? وسارعوا الى مغفرة من ربكم. Concourez, faites vite, concourez vers un pardon de votre Seigneur. Cheikh Al-Albani a dit subhanallah, comment Sayyid Sabiq a dit tu peux rester deux ou trois mois, tu peux le faire. Et Allah Ta'ala a dit, concourez, subhanallah, faites vite pour avoir le pardon de votre Seigneur. Donc, Cheikh Al-Albani a dit, فَالْحَقُ وُجُوبُ الْمُبَادَرَةِ إِلَى الْقَضَاءِ حِينَ الْإِسْتِطَاعَ وَهُوَ مَذْهَبُ إِبْنِ حَزْمِ. Ensuite, Cheikh Al-Albani a dit, le juste et le vrai, c'est que chaque personne qui a des dettes doit commencer le plus tôt possible. Avec, bien sûr, la capacité. Tant que elle a la capacité. Naam. Il a dit, c'est l'avis de Ibn Hazm aussi. Naam. Et il a dit, وَلَيْسَ يَصِحُ فِي السُنَّةِ مَا يُعَارِضُ ذَلِكَ. Il a dit, et il n'y a rien dans la sunna qui contredise ceci. Qui contredise cela. C'est-à-dire ce que je viens de dire. Il vient de dire quoi? Que on est obligé de régler les dettes dès que possible. Et on n'a pas le droit de les retarder. Il a dit, il n'y a rien dans la sunna qui dise le contraire. Naam. Il a dit, وَأَمَّا اسْتِدْلَالُ الْمُؤَلِّفِ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ بِقَوْلِهِ قَدْ صَحَى عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقْضِي مَا عَلِيَ فِي رَمَضَانَ وَشَعْبَانَ رواه مسلم وَلَمْ تَكُنْ تَقْضِيهِ نعم ولم تكن تقضيه فورا عند قدرتها على القضاء فليس بصواب. Il a dit, mais le sheikh Sayyid Sabiq s'est basé sur quoi? Il s'est basé sur ce que faisait Aïcha radiallahu ta'ala anha. Qu'est-ce qu'elle faisait Aïcha radiallahu ta'ala anha? Elle laissait ses dettes jusqu'au mois de Sha'ban. Alors Sayyid Sabiq a dit, Alhamdulillah, moi j'ai un dalil. Aïcha, c'est une femme pieuse. C'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah al-Azim. Comment se fait-il qu'elle laisse ses dettes jusqu'à Sha'ban? Subhanallah, 11 mois. Elle laisse 11 mois pour faire ses dettes. Comment se fait-il? Il a dit, donc voilà, j'ai un dalil que on peut retarder les dettes. Cheikh Al-Albani a dit, ceci n'est pas juste. Se baser sur ce hadith ici, le hadith de Aïcha n'est pas juste. Pourquoi? لأنه ليس في حديث عائشة أنها كانت تقدر أن تقضيه فورا بل فيه عكس ذلك. Il a dit, parce que dans le hadith de Aïcha qui retardait ses dettes, il n'y a pas quelque chose qui prouve qu'elle pouvait et qu'elle l'a laissé. Naam. Est-ce que dans le hadith de Aïcha, il y a une preuve qu'elle pouvait, subhanallah al-Azim, elle pouvait le faire et elle ne l'a pas fait? Il y a ça dans le hadith de Aïcha? Il n'y a pas cela. Il a dit, bien au contraire, Dans le hadith de Aïcha, il y a le contraire. C'est quoi le contraire? Il y a le contraire lorsqu'elle disait كَانَ يَكُونُ عَلِيَ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ وَشُغْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ. Il a dit, bien au contraire, il y a dans ce hadith une chose qui montre que, quoi? Que elle voulait rattraper mais elle pouvait pas. C'est quoi la cause? C'est qu'elle était très occupée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Ensuite, Cheikh Al-Albani a montré que la phrase qui dit elle était occupée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce n'était pas sa phrase à elle. Mais les ulama, les savants, en expliquant le hadith, ils ont dit donc pourquoi elle retardait, parce qu'elle était beaucoup occupée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit, Cheikh Al-Albani, il a réfuté le dalil de Cheikh Sayyid Saber, il a dit non. Dans le hadith de Aïcha, il n'y a pas qu'elle pouvait. Elle l'a laissé exprès. Mais elle n'a pas pu. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani va dire, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, Naam, chaque personne qui a des dettes du Ramadan doit le faire vite. Mais si elle est, cette personne, dans le même cas que Aïcha, radiallahu ta'ala anha, elle a des excuses, alors elle sera excusée. Naam, exactement comme Aïcha. Mais si elle peut le faire, elle doit le faire. Elle dit pas, je vais faire comme Aïcha, je vais retarder, j'ai une sunna. Moi, je suis pas mieux que Aïcha. Pourquoi elle laisse 11 mois et moi, je vais rattraper directement? Non, on va dire, attention, Aïcha ne pouvait pas. Est-ce que toi, tu ne peux pas? Si tu ne peux pas, retarde jusqu'à ce que tu puisses. Mais celui qui peut, il n'est pas excusé. Naam, celui qui peut, il n'est pas excusé. Tayyib? Naam. Il a dit ensuite, Cheikh Al-Albani rahimahullah, et il est permis aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, de séparer pendant les jours. Mais il a dit attention, il faut qu'elle fasse. Il faut qu'elle fasse quoi? Le plus tôt possible. Dès qu'elle peut, elle et il, bien sûr. Ils rattrapent leurs dettes. Et pour rattraper les dettes, qu'est-ce qu'on doit faire de préférence? Yani les rattraper consécutivement, si on veut aller vite, bien sûr. Si on veut aller vite pour marcher avec le verset qui dit concourez vers le pardon de votre Seigneur. Mais ensuite il a dit, mais si quelqu'un veut s'arrêter un peu, il peut aussi, il peut. On va pas lui rendre difficile des choses que Allah Ta'ala a facilité. On a montré que de préférence, on les fait d'un trait pour vite les finir et avoir le ravissement d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. On sait pas ce qui peut arriver demain. Mais si quelqu'un trouve des difficultés, ou bien il veut une pause, il est libre. Il arrête un jour, deux jours, trois jours, et il reprend, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Il a dit surtout que Allah Ta'ala dit dans le Coran, wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan. Et aucune personne ne sait ce qui peut lui arriver demain. Et aucune personne ne sait ce qui peut lui arriver demain. Ensuite, il a cité le hadith de Abi Umama بن سهل رضي الله تعالى عنه كي أدي دخلت أنا وعروة بن زبير يوما على عائشة. Il a dit, je suis rentré moi et عروة, le neveu de Aïcha, on est entré une fois chez Aïcha رضي الله تعالى عنها. فقالت, elle nous a dit, لو رأيتما نبيا الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مرض مريضة. Elle a dit, oh si vous aviez vu le messager d'Allah un jour dans une maladie. Elle a dit, وَكَانَ لَهُ عِنْدِي سِتَتْ دَنَانِرْ. Et il avait 6 dinars chez moi. C'est-à-dire, je lui avais caché 6 dinars. Il m'a dit, cache-moi ces 6 dinars. Voyez? Il a dit, ou bien 7, 6 ou 7, je me rappelle pas bien. فَأَمَرَنِ نَبِيُ اللَّهُ نُفَرِّغَا. C'est-à-dire, il les a cachés chez moi, non pas pour les cacher, mais pour que je les disperse entre les pauvres. Il m'a dit, voilà 6 dinars ou 7. Cache-les, laisse-les chez toi pour les disperser, yani donne-les aux pauvres. Naam. فَشَغَلَنِي وَجْعُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عَفَاهَ اللَّهِ. Et j'étais tellement occupé, quand il est tombé malade, tellement occupé à le soigner, à être à son chevet, que, qu'est-ce qui s'est passé? Au point où, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala l'a guéri. قَالَتْ. Ensuite, il m'a posé la question. Il a dit, ma fa'alat sita ou siba. Alors, les 6 dinars ou les 7 dinars, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ça veut dire, où sont-ils passés? Ça veut dire, Inch'Allah, tu les as donnés aux pauvres, hein? Inch'Allah, tu les as donnés aux pauvres. Elle a dit, la wallah, non par Allah. Laqad kana shaghalani wajhuk, non par Allah, ta maladie m'a préoccupé. C'est-à-dire, je n'ai pas eu le temps, naam, à cause de ta maladie. Qalat fada'a biha, alors il a dit, ramène-moi cet argent. Thumma saffaha fi kaffih, ensuite il les a mises dans sa main comme ça, dans sa paume, naam, il les a bien rangées. Ensuite il a dit, ma dhannu nabiyillah law laqiya Allah azza wa jall wa hadhi 'indah. Ensuite il a dit à Aïcha, en lui montrant sa main où il y a des 6 dinars, bien sûr des dinars en or, il lui a dit, alors que penses-tu, ou là, que pense un messager si il avait rencontré Allah azza wa jall, c'est-à-dire si je n'ai pas été guéri, si je suis mort, alors que vais-je dire à Allah subhanahu wa ta'ala si je meurs avec 6 dinars dans ma poche ou bien dans ma maison? Naam, subhanallah al-azim. Qu'a dit ici Cheikh al-Albani? Il a dit, هذا هو حسن الظن بالله. Naam. Il a dit, voilà celui qui pense vraiment quelque chose de bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. فمن وافته المنية وقد ذلك فقد فعل الخير. ومن وافته المنية في فترة كان يستريح فيها يوما أو يومين أو أكثر من ذلك ذلك بحسب طاقته وقدرته وقد علم الله تعالى منه صدق نيته فإنه مترجى له من الله المغفرة والرحمة. نعم طيب إلى دي نعم أسجد ترمين. ولكن من أخر وسوف فهذا الذي نرثي له ونأسف له. إلى دي regardez le prophète صلى الله عليه وسلم, il avait la niya de les donner et il a donné à Aïcha l'argent pour qu'elle les donne. Mais c'est elle qui a oublié. Maintenant, dès qu'il a eu l'argent, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et si j'avais rencontré Allah subhanahu wa ta'ala ainsi? Ça veut dire que, donc, il les a donnés au même instant après s'être rappelé. Naam. Alors, Cheikh Al-Albani a dit, maintenant, si quelqu'un meurt, naam, pendant la période où il a mangé, naam, il était en train de rattraper, ensuite il a dit, je mange un jour ou deux jours pour me reposer. Si quelqu'un meurt pendant des jours où il se reposait, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala sait que cette personne voulait continuer et que elle s'est reposée, ce n'est pas interdit de se reposer. Naam. Et il a dit, celui-là, cette personne, inshallah ta'ala, Allah ta'ala lui pardonnera, il sera miséricordieux envers elle. Si Cheikh Al-Albani qui dit comme ça, rahimahullah. Il a dit, walakin, mais ce qui est yani, grave, c'est qui? Man akhara wa sawaf. Celui qui va dire, inshallah demain, et inshallah je vais commencer, et inshallah la semaine prochaine, et comme ça. Il a dit, celui-là s'il meurt, vraiment, yani, nata'assaf, on sera désolé pour lui. Naam, on sera désolé pour lui. Ensuite il a dit, Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit, je vais vous donner un dalil, c'est lui qui dit. Naam, bon il n'a pas dit, c'est moi qui le dis, mais en donnant un dalil que je vais citer, c'est comme s'il l'avait dit. Il va donner un dalil pour montrer que il est obligatoire pour nous de commencer à rattraper très tôt, dès qu'on peut. Naam, il a dit, quelle est la différence alors entre celui qui peut aller au Hajj et qui le laisse pour une autre fois? Naam, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala là, lui a enlevé son âme et il est mort, subhanallah l'adhim. Il a dit, quelle est la différence entre ça et entre le siyam? Naam. Est-ce que quelqu'un, quand il a l'occasion d'aller au Hajj, et il dit non, je laisse inshallah l'an prochain, ensuite il meurt, est-ce que celui-là il a des excuses devant Allah subhanahu wa ta'ala? Il n'a pas d'excuses. Tant que il n'avait pas d'argent, tant que il n'a pas trouvé l'avion, tant que il était malade, il est excusé. Mais maintenant il y a le Hajj et tu vas dire attends, je laisse l'an prochain, comme beaucoup de gens disent comme ça. Beaucoup de gens ils te disent, attends inshallah ta'ala, j'ai l'argent pour aller au Hajj, mais attends inshallah, je commence par la voiture. Inshallah ta'ala, quand je grandirai, je vais au Hajj. Naam. J'ai de l'argent, pourquoi tu vas pas au Hajj? Attends inshallah ta'ala, je commence par la villa, je l'ai pas terminé. Il reste le 4e étage, je l'ai pas terminé. J'ai construit seulement 3 étages. Le 4e, je l'ai pas terminé. Inshallah, quand je termine le 7e, je vais au Hajj. Naam. Joue comme ça. Et si jamais tu meurs, on va voir ce que tu vas dire à Allah subhanahu wa ta'ala. Il va donner l'occasion d'aller au Hajj et tu veux pas partir. Naam. au point où certains sahaba ont dit si quelqu'un a l'occasion d'aller au Hajj et qu'il meurt, il a dit, je crois que c'est Omar ou bien Ali, il a dit alors qu'il choisisse qu'il meure juif ou qu'il meure chrétien. Naam. Tu as l'occasion d'aller au Hajj, tu ne veux pas partir, alors choisis avant de mourir chrétien ou de mourir juif. Naam. Tayyib. Maintenant autre chose. Tayyib, je voudrais juste vous résumer maintenant. Jazakallah khair. Je voudrais juste vous résumer. J'ai peur que vous ne compreniez pas qu'il y ait des embrouillements. Naam. Il est obligatoire pour quelqu'un qui a des dettes et qui peut, il a la capacité, il peut, il n'est ni malade ni rien. Il n'est ni malade ni il s'occupe d'un malade, comme Aïcha s'occupait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il est obligatoire pour lui de commencer à payer ses dettes. Et en payant ses dettes, il est conseillé de les faire d'un trait. Mais il est permis de s'arrêter de temps en temps, naam, pour reprendre, disons, de l'air, naam, pour reprendre, naam, de la force. Il est possible de temps en temps d'arrêter un, deux ou trois jours et de reprendre après. Naam. Maintenant, quand quelqu'un a retardé la kafara des règles, par exemple, ou bien c'est pas la kafara, comment ça s'appelle, le rattrapement, par exemple, des règles, ou bien la kafara, ou n'importe quoi, jusqu'à ce que, par exemple, l'autre ramadan rentre. Naam. Beaucoup disent que, alors dans ce cas, il va faire quoi? Il va faire le jeûne, plus il nourrit un pauvre pour chaque jour. À cause de quoi? À cause de, il a laissé jusqu'à ce que le deuxième ramadan soit rentré. Mais le vrai c'est quoi? Le vrai c'est que, il aura seulement des péchés pour avoir laissé le deuxième ramadan arriver. Mais il n'y a aucun dalil, ici Cheikh Al-Albani dit, il n'y a aucun hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que il va nourrir avec chaque jour un pauvre. Naam, il va jeûner plus nourrir un pauvre à cause du deuxième ramadan qui est rentré. Il n'y a aucun dalil sahih en cela. Et vous entendrez beaucoup de gens dire que il faut faire nourrir. Si je me trompe pas, c'est aussi l'avis du rite malikite, madhhab al-maliki. Je crois que il dit pour chaque jour tu dois aussi nourrir. Mais Cheikh Al-Albani a montré que il n'y a aucun hadith qui prouve cela. Et tant qu'il n'y a pas de hadith, bien sûr, donc ce n'est pas la peine de rendre les choses difficiles aux gens et de compliquer les choses. Naam. Tayyib, autre chose, inshallah ta'ala. Est-ce que quelqu'un qui a mangé le ramadan sciemment et qui n'a pas d'excuse, est-ce qu'il peut rattraper? Ici Cheikh dit naam que il ne peut pas rattraper. Et c'est aussi l'avis de qui? C'est aussi l'avis de Ibn Hazm. Et écoutez ce qu'a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah naam dans son livre, le livre qu'on a fait de lui, qui s'appelle Ikhtiyarat, l'ilmiya de Cheikh Ibn Taymiyyah, page 65, qu'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il a dit, la yaqdi muta'ammidun bila udhr. Il a dit, toute personne qui, elle a fait sciemment la chose, elle n'a pas voulu la faire en son moment, il a dit, elle ne rattrape pas, que ça soit saumen ou la salat, que ça soit des jours à jeûner ou que ça soit des salats à rattraper. Naam, ou la tasih minhu, plus grave, même s'il les fait, ça ne sera pas accepté de lui. Naam. Et c'est l'avis de Ibn Hazm et de Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, et Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, et Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, et c'est l'avis de Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhum. Tout cela, ses grands compagnons ont dit, quiconque ne fait pas la salat en son moment, ou bien ne fait pas le siyam en son moment, et il n'a pas d'excuse, ce n'est pas la peine de rattraper. Pourquoi? Car il va se fatiguer, ça n'est pas accepté de lui. Naam. car c'est une adoration momentanée. Elle se fait dans un moment spécial. Salat le Maghrib ou la Salat Subh par exemple, elle commence de l'Adhan et elle se termine après le lever du soleil. Si pendant l'Adhan, le deuxième Adhan, Naam, du matin, jusqu'au lever du soleil, qui est par exemple à 6 heures du matin, si par exemple pendant ces 2 heures, tu n'as pas fait la prière, ensuite le soleil se lève, alors que tu es en train de jouer aux cartes, ou de voir à la télévision les films obscènes, alors là qu'est-ce que tu fais? C'est pas la peine de dire, je vais faire l'oudou pour faire la salat. Car tu es en train de jouer, Naam, et ce n'est pas accepté. Donc il vaut mieux ne pas se fatiguer pour une chose qui n'est pas acceptée. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois savoir que tu as fait un grand péché, très grand, et que tu vas implorer le pardon du Seigneur. Peut-être, Inch'Allah Ta'ala, si tu es sincère, il va te pardonner, on sait jamais. C'est à lui que revient cette chose. Naam. Autre chose, Inch'Allah, et on doit, Inch'Allah Ta'ala, arrêter. Taïb. Non, justement, il n'y a que cela. Naam. Il n'y a que cela. Je m'arrêterai ici, Inch'Allah Ta'ala, pour ne pas avoir mal, car je commence un peu à l'avoir. Naam. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, dans 10 minutes. Oum Hajar, Inch'Allah Ta'ala, prépare le Coran. Naam. Et, Subhanak, Allahumma, bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.